qu'on a du plaisir, qu'on a de l'agrément. C'est normal parce que c'est le cirque aquatique magique en ce moment. Cette émission qui vise à vous faire découvrir la bonne musique. Aujourd'hui, spécial Scientologie. J'avais le goût comme ça. Alors, tout ce qu'on va entendre aujourd'hui, ça va être des pièces qui ont rapport à l'Église de Scientologie. On va entendre des artistes qui sont des scientologues ou qui ont déjà été des scientologues. On va entendre des extraits de livres de L. Ron Hubbard, le chef spirituel de cette secte. Qu'est-ce qu'on va entendre d'autre? On va entendre aussi des montages audio. Vous allez voir, ça va être assez particulier. Ça va être bon. Ça va être même pédagogique, parce que le cirque aquatique magique, il y a de tout là-dedans. Et j'avais le goût de faire ça parce que j'ai reçu un questionnaire par la poste de la Scientologie contenant 200 questions à remplir quand on a juste 3-4 heures de lousse à perdre. Et il faut rappeler que le plus grand Walmart scientologique au Canada, eh bien c'est à Québec qu'il se trouve depuis quelques mois. Au coût de 4 millions, s'est construit un temple en l'hommage de L. Ron Hubbard. Alors, on va entendre quelques pièces tirées de la première trame sonore qui a jamais été fabriquée pour un livre de science-fiction. Et oui, c'est L. Ron Hubbard lui-même qui a réalisé cette trame sonore-là. Donc, c'est son livre qui s'appelait Battlefield Hurt, dans lequel, d'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur ce livre-là, qui est extrêmement mauvais, avec John Travolta. Et on va entendre justement la trame sonore du bouquin. la première trame sonore d'un bouquin de science-fiction jamais fait. La première pièce s'appelle The March of the Psychlos. Si vous êtes scandalisé, 529-90-26, 529-90-26. En votre compagnie, François Gécouillard à la radio de la bonne humeur, CKIA 88.3 sur votre cadran. Yo.

Oh là là là là là là, mais qui était-ce que cette belle voix? Vous avez sans doute reconnu Leonard Cohen. Pourtant, c'est un spécial Scientologie ce soir. Que se passe-t-il, François? Eh bien oui, Leonard Cohen a déjà fait partie de l'église de Scientologie. Croyez-le ou non? Apparemment que son adhésion enthousiaste à la Scientologie s'est produite dans les années 60, fin 60. Et apparemment qu'il est rentré lorsqu'il était dans une espèce de phase de dépression. Et apparemment qu'il aurait été encore impliqué dans la Scientologie dans les années 90. Ce sont plusieurs médias à travers le monde qui ont révélé ces choses troublantes. Alors, Leonard Cohen, scientologiste, le croyez-vous? Mais il ne l'est plus maintenant. Peut-être s'est-il tourné vers Jésus? Beaucoup mieux comme choix. Avant, on a entendu un extrait de Michel Georges mixé par Les Doigts Magiques de Jean-Philippe Boisbriand et de Claude Brindamour. Michel Georges qui citait des citations du bouquin de L. Ron Hubbard. D'ailleurs, ils vont nous apprendre plein de choses. Par exemple, l'éducation des enfants. Et avant ça, c'était « Là-bas, si j'y suis », il y avait un extrait sur... c'était un test de l'électromètre. Vous savez, c'est quoi l'électromètre? Si vous allez voir les scientologues, ils vont vous montrer ça. Ça va leur faire plaisir. C'est comme une genre de machine qui vous plogue sur les mains. Il y a une espèce d'aiguille qui monte et qui descend selon les émotions qui passent à travers votre corps. Et c'est supposé vous aider. N'importe quoi. Et la première pièce du bloc, c'était « March of the Psychos » de L. Ron Hubbard lui-même. C'est lui qui a créé cette trame sonore un peu weird de son roman de science-fiction « Battlefield Hurt ». Vous êtes dans la spéciale Scientologie avec François G. Couillard. C'est l'émission « Le cirque aquatique magique ». Oh! Et je suis exceptionnellement aujourd'hui en compagnie de mon épouse... Et voilà, on continue très doucement, tout en douceur. On va écouter un groupe qui s'appelle The Apollo Stars. La pièce s'appelle The We're Moving In. The Apollo Stars, c'est un groupe qui était... Ah, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais vous garder sur la carotte. Dites-vous que dans les prochaines minutes, vous allez entendre des conférences de L. Ron Hubbard, d'autres extraits de Michel Georges, de la musique des scientologies. Vous allez découvrir des artistes qui sont ou qui ont été des scientologues. On va avoir du plaisir, on va avoir de l'agrément. Ancien membre de l'église de Scientologie. Ah, exactement. J'ai passé 15 ans de ma vie, donc je suis rentré en Sciento en 85, septembre 85, pour en sortir début 2001. Quand j'ai rencontré la Scientologie, j'avais 24 ans, donc j'habitais en Belgique. Je sortais d'une formation classique, donc en tant que pianiste. Bon, un jour, j'ai rencontré... Enfin, j'ai assisté à un concert de jazz de Chick Corea et c'est vrai que pour moi cette découverte du jazz a été une énorme révélation. Et depuis ce jour-là, en fait, Chick Corea est devenu un véritable modèle. Et quand j'ai découvert que Chick Corea était scientologue, c'est via lui en fait que j'ai rencontré la scientologie. Thank you. l'adulte a certains droits sur les enfants que les enfants et les adultes de nos jours ont tendance à ignorer. Un adulte bon, stable, portant amour et tolérance dans le cœur, est à peu près la meilleure thérapie qu'un enfant puisse recevoir. La principale chose à considérer dans l'éducation des enfants est le problème de les former sans les briser. Il vous faut élever votre enfant de telle manière que vous n'ayez pas à le contrôler, de sorte qu'il soit en pleine possession de lui-même en tout temps. De cela dépendent sa bonne conduite, sa santé, son équilibre mental. Les enfants ne sont pas des chiens. Ils ne peuvent être formés à la façon dont on forme les chiens. Ce ne sont pas des articles contrôlables. Ce sont, et ne négligeons pas ce point, des hommes et des femmes. L'enfant n'est pas une espèce d'animal particulière et différente de l'homme. C'est un homme ou une femme qui n'a pas achevé sa pleine croissance. Toute loi qui s'applique à la conduite des hommes et des femmes s'applique aux enfants. Que diriez-vous si l'on vous tirait, si l'on vous traînait, si l'on vous envoyait à droite et à gauche, et si l'on vous empêchait de faire tout ce que vous avez envie de faire? Vous en seriez irrité. La seule raison pour laquelle un enfant n'est pas irrité, c'est qu'il est petit. Vous tueriez presque quelqu'un qui vous traiterait, vous, adulte, avec les ordres, les contradictions et le manque de respect avec lesquels on traite la plupart des enfants. L'enfant ne rend pas les coups parce qu'il n'est pas assez grand. En revanche, il couvre de boue vos planchers, interrompt votre sieste, détruit la paix de votre maison. S'il y avait égalité en matière de droit entre vous, il ne demanderait pas cette revanche. Cette revanche est la conduite enfantine courante. Un enfant n'est pas un animal. Une petite conférence de L. Ron Hubbard, mixée. L. Ron Hubbard, lui-même. You know this. So on that person, you use straight wire. Because what you're doing is getting static. You're getting his postulation of causes for which he will become the effect. You don't even have to explain it to him. You can really snort from this one with a preacher, but don't let him boil off. L. Ron Hubbard, à Sequoia. I have been embarked upon the rather hideous task of exhausting all the N-theta facsimiles in the universe. This was a big job, like the mice that run into the granary. It takes a long time to empty the granary. Well, it took too long. On peut danser! So we had to shorten it up a little bit, and then looking around for shortcuts, we found all of a sudden that we didn't have to free all the interpolated theta in the whole universe. All we had to do was free the preclear of being in contact with it. Now, this is the happiest and quickest way I know to do this is to make... La voie la plus rapide. L. Ron Hubbard vous enseigne des choses intéressantes. And that would be your first entry. And these are key-ins of engrams. They're self-determinisms. The biggest, really the only real key-in that an engram gets. Oh, qu'on a du plaisir, qu'on a de l'agrément. C'était L. Ron Hubbard qui nous faisait une petite conférence, mais qui a été interrompue par Dokaka, le sympathique japonais qui fait de la musique de bouche. Juste avant, c'était l'éducation des enfants. Des citations de L. Ron Hubbard citées par Michel Georges. Et juste avant, c'était de Apollo Stars, un excellent groupe de jazz scatologique qui faisait We're Moving In. Donc c'est ça, The Fellow Stars, ils ont enregistré cette espèce d'album-là. C'était un peu mal enregistré, c'est parce qu'ils ont fait ça, ils ont enregistré ça sur un bateau. Parce qu'à un moment donné, Elrond Hubbard, il y a eu une espèce de courte carrière, très courte carrière dans la marine américaine. Et puis, il y a eu une espèce de coup de cœur pour la marine. Et puis, à un moment donné, il a décidé de créer un sous-groupe de la Scientologie qui était un groupe de marins. Il y avait vraiment des bateaux et des choses comme ça. Il y avait même des prisons à l'intérieur des bateaux. Il paraît que la discipline était extrêmement stricte. Dans le genre, t'oublies de saluer ton supérieur et puis là, tu te retrouves à manger du pain puis pendant des semaines dans la cale du navire. C'était assez spécial. Il y a des histoires d'horreur là-dedans, évidemment. La Scientologie, c'est très intéressant de lire l'histoire de cette secte-là. Mais toujours est-il qu'il y avait un groupe là-dedans qui s'appelait The Apollo Stars et c'est téléchargeable gratuitement sur Internet sur le site de WFMU. Sinon, ben, je vous conseille de rester bien à l'écoute du Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François Gécouillard à la radio de la bonne humeur parce que vous allez entendre, vous allez découvrir d'autres artistes qui font partie de la Scientologie. Pour l'instant, on va entendre une pièce toujours tirée de la trame sonore du roman de science-fiction Battlefield Earth. La pièce s'appelle The Mining Song. Moralement, je sors de Copenhague complètement brisé. Financièrement, je sors complètement brisé. En 5 semaines, j'ai quand même dépensé plus de 50 ou 60 000 francs. Ils m'ont fait une espèce de proposition qui s'avérait être une solution absolument diabolique. c'est qu'ils m'ont dit, voilà, donc ce qu'on te propose, c'est que tu finis et puis tu payeras les heures après. Un crédit revolving de l'église de Scientologie, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, au bout du compte, ils m'ont soumis une facture de 113 000 francs en disant, mais attendez, ce qu'ils ne m'avaient pas dit au moment qu'ils m'avaient proposé cette solution, c'est qu'en fait, le taux d'intérêt était de 300%. Et puis, comme je leur devais de l'argent, il était hors de question que je parte tant que cet argent n'était pas donc, sur la table. Parce qu'il y en a plusieurs, j'ai augmenté la liste. Comme là, le prochain, c'est survivre. Comment pense le mental? Après ça, c'est les mécanismes du mental. L'engramme, ça, c'est tout ce qui est enregistré puis qui n'est pas conscient. On ne le sait pas, c'est dans les moments de douleur, d'inconscience, tout ça. Comment le mental peut rendre le corps malade? La vie prénatale. Vous en avez parce que même dans le ventre de la mère, tu peux avoir des... en tout cas, vous allez voir. Les engrammes d'émotions douloureuses, ça, c'est ce qui est enregistré durant les moments de douleur ou d'inconscience. Come on to me, come. d'entendre, c'était Beck. Beck, qui est membre de l'Église de Scientologie. Mais vraisemblablement, c'est pas très clair dans sa tête tous les tenants et les aboutissants de cette secte. Et oui, le grand Beck est scientologue. Et juste avant, on a entendu quoi? On a entendu des extraits d'enregistrements qui ont été saisis sur le fait dans le temple de la Scientologie à Québec. Et on a entendu un témoignage de quelqu'un qui parlait comme ça de la méthode des scientologues pour faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent, mais à 300% d'intérêt. C'était tiré de « Là-bas, si j'y suis ». Excellente émission sur France Inter. C'est François Gécouillard qui est au micro avec vous, qui est content de vous accompagner comme ça dans votre nuit, peut-être avant d'aller vous coucher, peut-être tenez-vous votre épouse par la taille, peut-être lui étendez-vous votre bouche pour quelques baisers. Hola. Ah, voilà, Gabriella. Dis-moi, envia tus saludos. Saludos para todos. Ah, que c'est joli ça. Alors peut-être que comme moi, vous avez votre épouse ou votre conjointe qui est près de vous. Alors pourquoi ne pas vous tendre vers elle et lui tendre un petit baiser? Yeah. On va continuer parce que c'est évidemment cette émission est dédiée à la musique avant tout. Le Cirque Aquatique Magique en a encore à vous offrir dans les oreilles. On va entendre pourquoi pas une pièce de... C'est qui ce gars-là? Plus de musique de la Scientologie dans quelques instants. Une pièce de Van Morrison, Dead or Alive. Van Morrison, scientologue. You like everything. You're the best audience I've ever had. Well, the new sheriff sent me a letter. Yes, the new sheriff sent me a letter. He said, come up and see me, dead or alive. Come up and see me, dead or alive. Well, it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive, but it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive. Well, I really don't like your Hard Rock Hotel, Sheriff. Well, I really don't like your Hard Rock Hotel, Sheriff. Dead or alive, no sheriff. But it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive, it's a hard road. Dead or alive. Well, he even sent me my picture. Hey, how do I look, boy? Dead or alive? How do I look, boy? Dead or alive? It's a hard road. Dead or alive? It's a hard road. Dead or alive? It's a hard road. Dead or alive? It's a hard road. Dead or alive? Dead or alive? Dead or alive? Comment ça se fait que vous l'avez quitté alors que vous étiez OT combien? Vous êtes devenu OT? OT7, oui. OT7? Mais bon, c'est rien d'extraordinaire. Ah, c'est pas mal quand même. C'est complètement bidon, vous voulez dire. Vous étiez OT7, vous étiez au top du top. Oui, on peut dire ça. Vous êtes arrivé au bout du jeu vidéo, quoi. Oui, on peut dire ça aussi. Dans la diagnostic, science moderne de la santé mentale, le premier bouquin, on vous dit, vous allez avoir 135 de QI, vous n'allez avoir plus aucune maladie, vous allez avoir un raisonnement absolument extraordinaire, et une mémoire eidétique, donc une mémoire presque parfaite. Vous n'atteignez jamais ça. Donc les promesses, elles sont complètement bidons. Et ça, je m'en apercevais aussi sur les gens qui étaient chez nous. Je me disais, bah, attends, mais c'est quelqu'un qui a été accepté comme clerc par une organisation supérieure, mais il a des raisonnements débiles. C'est quoi ce truc-là? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la scientologie. Bon. Vous disiez, il est rentré con dans la scientologie, il reste con, donc ça fonctionne pas si bien. Oui, ou c'était pire que ça. Oui, les gens devenaient pires qu'ils n'étaient avant d'être entrés, parce qu'ils devenaient parfois odieux. Rappelez-vous, quand vous aviez peut-être 5 ans, que vous sortiez le matin et que vous regardiez le jour. C'était un très très beau jour. Et vous regardiez les fleurs, et c'était de très belles fleurs. 25 ans plus tard, vous vous levez le matin, vous jetez un regard aux fleurs, elles sont fanées. Ce jour n'est pas un jour heureux. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Vous savez que ce sont les mêmes fleurs. Le monde est resté le même. Quelque chose doit avoir changé. C'est probablement vous. Tout le style de vie d'un petit enfant dérive en fait du charme dont il parle à vie. Il agite une baguette magique et suscite toutes sortes de choses intéressantes dans la société. Voici cette grosse et sombre brute d'homme, chevauchant çà et là son coursier de fer. Ah, ce qu'il aimerait être un motard. Oui, monsieur. Il aimerait, à n'en pas douter, être un motard. Et 25 ans plus tard, il regarde le motard qui fait sa ronde et, contrôlant son compteur de vitesse, il dit « Au diable, c'est flic !» Eh bien, qu'est-ce qui a changé ici? Le motard a-t-il changé? Non. Seule l'attitude envers lui a changé. Votre attitude envers la vie. Voilà ce qui fait toute la différence dans une vie. when I look at you. And that is why all the rising tide follow you. Vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique. Ce n'est pas fini. Je suis encore en votre compagnie. Quelle immense jouissance ai-je d'être avec vous, de vous accompagner dans vos ébats de nuit. Ce qu'on vient d'entendre, c'était justement une pièce très suave, très sensuelle, interprétée par le scientologue Isaac Hayes. They long to be close to you. Une reprise d'une chanson pour vous, les amoureux. On se comprend. Juste avant, on a entendu L'homme et sa machine, toujours par Michel Georges, qui nous lisait quelques passages de L. Ron Hubbard. Après ça, c'était un éloquent témoignage d'un ex-scientologue interrogé par l'équipe de La Boche et J'y suis, qui disait que les gens étaient supposés devenir plus intelligents avec la scientologie, mais qu'ils restaient toujours aussi débiles. Et juste avant, c'était Chris Barber qui chantait avec Van Morrison, la pièce Dead or Alive. Scientologue. C'est toujours le spécial scientologie, mais maintenant, on va faire une pause. J'introduis dès maintenant une nouvelle chronique. Le Bureau d'exploration parallèle. Dans le studio de Sequoia se retrouve une pile de vinyles aussi obscure qu'inconnue. J'en pige un au hasard chaque semaine et on découvre ça ensemble. Cette semaine, un choix de mon épouse. Elle est tombée sur Edith Piaf. Alors pour elle, c'est une découverte. On va écouter une pièce qui s'appelle Amour du mois de mai. Dans les forêts, sur les quais, dansent les amoureux. Les fleurs font des bouquets, quel amour des heureux. Mon amour, jure-moi que nous nous aimerons toujours. Mon amour, pour mon cœur aujourd'hui, quel beau jour. Près d'un corsage clair se rapproche un garçon. Puisqu'on s'aime à jamais, pas besoin d'avoir peur. Tes yeux sont de bluets que je garde dans mon cœur. Mon amour, tu sais bien que nous nous aimerons toujours. Mon amour, pour mon cœur aujourd'hui, quel beau jour. l'amour du moins jamais, tu sens bon le bonheur. Léger comme un bleuet, tu fleuris dans nos cœurs. Mais l'amour le plus beau est comme un doux refrain. On n'en sait quelques mots, puis on oublie la fin. Mon amour, si d'une autre peut-être ton cœur a dit. Mon amour, la la la. Et voilà, c'était tout pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. François Gécouillard au micro. Si vous voulez réécouter l'émission, avec des erreurs corrigées, vous avez juste à vous diriger vers jeunefou.blogspot.com. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Au plaisir. Vous étiez à CKIA 88.3 et je vous laisse en bonne compagnie de l'ordinateur. Oh.